J'aime penser à mon avenir sans trop forcer pour ne pas y voir le pire. Je me perds dans les méandres du futur, dans les défaites amères, les moments durs. Suis-je pas de ce genre d'homme qui suis s'invitera pour qui tout déconne? Survivre ou pas à des journées mornes, des nuits au froid, sans demain qui sonne. J'aime pas mon jeu de la vie trop difficile, faite de courageux qui domptent des imbéciles. Parfois je me prends à croire qu'une balle dans le mille résoudrait tous mes déboires. Mon alcool est plus facile. Si je coupe de ce genre de guignol qui grette une vie de pacha et trouve si tu es trop mal. Suivre ou pas le chemin des nonnes, non, le rapport le cherche pas, j'aime les refrains qui chantonnent. La la la la la. D'un rien on se gave, d'un petit mal par-ci, d'un pic tout temporel, jusqu'au jour où la balle est fatale, mais fatale.